le broyeur de service. Toujours caché et plein de vis. Et c'est donc silencieusement que je me tire sur les lacets. Les filles, elles sont jolies, ont tout enlevé, même leur bandit. Je suis le pervers du service, toujours caché et plein de vis. Je suis le pervers à leur pervers, celui qui veut offrir ses services. Et tu vas à l'école. À la sortie des écoles, tous les jours, moi je racole. Les petites filles sans leur maman, je leur dis tout doucement. Sous mon appel est caché le trésor, mon psychologue, évidemment. Je suis le pervers du service, toujours caché et plein de vis. Je suis le pervers à la pervers, celui qui veut offrir ses services. Je suis le voyeur de service, toujours caché et plein de vis. Je suis le pervers à la pervers, celui qui veut offrir ses services. Je suis le voyeur de service, toujours caché et plein de vis. Je suis le pervers à la pervers, celui qui veut offrir ses services. Je suis le pervers. Je suis le pervers. Je suis le pervers.